Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouveau numéro du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Monsieur Benoît Joubert. Salut Sofiane. Salut Benoît, merci d'avoir accepté l'invitation. Bah avec grand plaisir. Hein. Bon, donc tu avais une ou plusieurs anecdotes à nous raconter ? Alors j'en ai deux. Mm-hmm. J'en ai une qui est, on va dire, technique. Ouais. Et je ne sais pas si ça s'est fait beaucoup en termes d'humoriste. Ouais. Mais je suis plutôt un micro-casque, en fait. Ouais. Tu vois, j'ai des personnages. Parce que tu bouges beaucoup sur scène. Voilà, bouge beaucoup sur scène. Et donc, cet exercice du stand-up, je ne le connais pas. Et je pense que je suis le seul. J'ai eu une galère de micro-casque. Ah. Et j'ai joué avec un micro-casque et un micro-main en même temps. Les deux en même temps. Et je ne suis pas sûr que dans le milieu, on ait beaucoup vu de gars avec un micro-casque parler dans un micro-main. On appelle ça un indécis. Et je l'ai fait, voilà, c'est ça. T'as été indécis, je l'ai fait. Ça, je l'ai fait. Donc ça, c'est la première, et c'était une belle galère. Mais bon, c'est un souvenir, tu vois. Bah oui, mais surtout que jouer des personnages avec un micro-main. Ah, très dur, très dur. Pas de timing. Quand t'as besoin de tes bras pour jouer et que t'as la sucette, c'est pas bon. Ça donc ça, c'était la première galère. Et la deuxième galère, elle était plus physique. Ouais. Si tu veux, je joue un de mes personnages qui est dans la sécurité. Donc, c'est un mec qui est très physique. Baraqué et tout. Baraqué, qui dit que quand il discute avec les poings et qu'il envoie des patates un peu, un peu à tout le monde. Généreusement. Que s'il y avait un problème de chicot, il était là. Et quand j'étais en train de faire ce personnage, écoute... Eh ben j'ai illustré physiquement puisque j'ai un bridge de 3 dents pas loin, enfin c'est visible en plus, ouais. Hein, et j'ai perdu pendant que je parlais de mes chicots mes 3 dents, donc j'ai fini avec la moitié des dents sur scène, donc j'ai perdu, j'ai continué avec ça dans la main quoi. Donc les gens pensaient que c'était prévu. Mais je crois que surtout le plus drôle là-dedans, c'est le texte que tu disais en même temps. En même temps, ouais. Parce que tu disais... Moi, j'enlève les chicots, quoi. Tu vois, un truc comme ça, mm-hmm. C'était... Moi, j'aime bien discuter, mais sans chicots. Et quand tu dis j'aime bien discuter sans chicots et que tu perds la moitié de tes chicots toi-même, les gens pensent que c'est prévu. Ouais, mais est-ce que tu t'es pas dit que c'était une nouvelle occasion de mise en scène? Alors ça me ferait chier de recoller les chicots tous les soirs et de finir avec ma femme à moitié, à chaque fois. Avec les moitiés des chicots. Là, c'est le seul spectacle sponsorisé par Polydent. Voilà, c'est ça. Ouais, t'as tout résumé. Ça peut être pas mal. C'est ça. Non, voilà, donc ça c'est une autre galère. Donc ça, voilà, ça des galères. Mais c'est drôle, c'est drôle. Ça me rappelle un truc en fait, c'est que moi c'est pas les dents que j'ai perdues, moi c'est ma ceinture. C'est-à-dire que je jouais, j'étais à Cogolin, dans le Var, et je joue comme ça sur scène et tout, ça se passe super bien, tranquille, le public est bienveillant, super, on passe des bons moments, et en fait, j'ai tu sais, la boucle de ma ceinture, en fait, qui m'a lâché. Tu sais, la boucle a quitté la ceinture, en fait, ouais, elle est restée attachée, tu vois, voilà. Ouais, c'est, mais vraiment comme dans les films, presque. Je jouais, et je sentais un truc qui ballottait, comme ça. Et je dis, qu'est-ce que c'est? Et je vois ma ceinture, et je me dis, ça se trouve, ça fait 5 minutes que tu les gens se foutent ça, de ma gueule, tu vois, voilà. Et j'ai dit, bon, là, je suis cramé, mesdames et messieurs, je suis désolé, j'ai pris 2 secondes pour enlever la ceinture complètement, la poser, et heureusement que le pantalon tenait tout seul, tu vois. Putain. Ah, mais laisse tomber. Mais donc, ouais, on peut perdre des choses sur scène, mais en général, ce qu'on perd surtout, c'est sa dignité. Ouais, c'est ça. Pour résumer, c'est clairement ça. En tout cas, merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut te retrouver toi, sur les réseaux sociaux, tout ça? Facebook, Insta, voilà, sur Benoît Joubert. Okay. Benoît Joubert, voilà, ok. Tout simplement. Eh bien, pas de souci. Merci beaucoup, en tout cas. Ah, merci à toi. On te donne rendez-vous sur tes prochaines scènes, hein, peut-être. On te verra. Ouais. Ben, là, tu tournes un peu partout, là. Oui, ben là, je suis à Bordeaux, j'ai Rouen, à côté de Léguevin, à côté de Toulouse. Et je vais arrêter ce spectacle et je vais partir en duo... avec Gilles Allemand. Là, on a l'info vraiment en exclusivité. C'est vraiment super cool. Ça, et félicitations, parce que je pense que ça va annoncer de très belles choses. Ouais, on va s'amuser, tu vois. C'est le plus important. On est parti pour de nouvelles galères. Donc, on se reverra. On aura des nouvelles galères enregistrées, avec grand plaisir. Voilà. Ben, merci beaucoup. Merci à toi. Merci, avec grand plaisir. Pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux. Donc, Sofiane Etaï, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. N'hésitez pas à laisser une note et une critique sur le podcast, sur Apple Podcast, iTunes, tout ça. Abonnez-vous bien sûr et parlez-en autour de vous, et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à toi là-bas.